La 28e exposition nationale d'articles de consommation courante est ouverte le 16 au magasin souterrain de Pyongyang, en présence des cadres intéressés, des fonctionnaires, scientifiques, techniciens et ouvriers des unités exposantes. L'exposition présente jusqu'au 20 plus de 80 000 articles de plus de 2 000 espèces des usines de l'industrie légère, des usines et entreprises des ministères et établissements centraux.